À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie et en signe de félicitations à la réussite complète au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type FA-114 de la Corée, l'Union des fermes et des agriculteurs de l'Ouganda a fait parvenir une lettre à l'Union des travailleurs agricoles de Corée. La lettre note comme ce qui suit. On formule l'hommage sublime au camarade Kim Il-sung, commandant prestigieux à la volonté de fer, qui a brisé le mythe de la puissance des impérialistes américains, et au camarade Kim Jong-il, qui a sauvegardé le socialisme et la souveraineté de la nation sous la bannière de Sangun. Ensuite, on formule les salutations cordiales au dirigeant suprême Kim Jong-un, qui a développé la Corée en pays possesseur du nucléaire, fabricant et lanceur de satellites artificiels et détenteur de l'engin balistique du sous-marin stratégique, et conduit à la réussite le lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type FA-114.